plomb, des pesticides, du bisphénol A, des plastifiants et certainement plein d'autres joyeusetés organiques ou non qui circulent dans votre sang, dans vos organes et ce depuis avant même votre naissance jusqu'à votre dernier jour. Dites bonjour à votre exposome, soit l'intégralité des expositions auxquelles un individu est soumis de la conception à la mort. La découverte et la compréhension de la façon dont cet exposome fonctionne et ce qu'il induit sur votre santé sont des domaines de recherche récents, complexes, très pluridisciplinaires et définissent une nouvelle acception de notre rapport à la maladie via l'environnement chimique interne de notre corps. Exposome, l'exposition universelle, c'est le programme toxique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre exactement ce qu'est cet exposome, comment il influe sur notre santé et surtout comment il est possible de l'étudier, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Arthur David, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique, chercheur également à l'Institut de recherche en santé, environnement et travail à Rennes. Et nous sommes en ligne avec Gianluca Severi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche de l'équipe INSERM Exposome et Hérédité rattachée au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations à Gustave Roussy. Mais on commence par faire, comme tous les lundis, un tour complet de l'actualité scientifique du week-end avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue PLOS Médecine. La consommation d'édulcorants augmenterait le risque de développer un cancer. Les édulcorants hein, comme l'aspartame, l'acésulfame K ou la sucralose sont massivement présents dans les produits alimentaires. Les soda light, les biscuits, les yaourts et bien sûr les sucrètes. C'est ce faux sucre qui permet de conserver le goût du sucre avec peu ou pas de calories. Une équipe française s'est appuyée sur les données de l'étude NutriNet Santé. Depuis 2009, plus de 102 800 Français et Françaises remplissent régulièrement des questionnaires sur leur alimentation, leur mode de vie et leur santé. Sur 24 heures, ils vont noter tout ce qu'ils ont consommé. Et avec un niveau de précision important, car ils indiquent aussi la marque des aliments, ce qui permet de connaître la composition en additifs de ces produits. Alors selon les résultats de cette étude, plus on consomme d'édulcorants, plus les risques de développer un cancer sont élevés. Le docteur Mathilde Touvier dirige l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM. Elle a coordonné cette étude. Dans cette étude, on observe une association entre une exposition plus importante aux édulcorants et un risque accru de cancer, donc notamment le cancer au global, hein, toutes localisations confondues. Et puis, on voyait ça plus spécifiquement sur le cancer du sein. Et puis, on voyait également l'association sur le groupe global des cancers liés à l'obésité. Dans cette étude, on a partagé la population en trois groupes, donc bon, les non-consommateurs, et puis ensuite les plus faibles et plus forts consommateurs, séparés par la médiane de consommation, hein, c'est ça le cut-off entre les deux groupes. Et donc, dans cette étude-là, ceux qui étaient plus fortement exposés, donc le troisième groupe, avaient un risque de 13% supérieur de développer un cancer au cours du suivi comparé aux non-consommateurs. Du coup, là, ce qu'on a dans la littérature scientifique jusqu'à présent, c'était au niveau expérimental, des informations sur des modèles cellulaires ou sur des animaux, sur des souris, des rats, qui suggéraient des effets potentiellement carcinogènes de ces additifs, avec des données qui sont encore débattues. Il y a des études plus récentes qui montrent un impact au niveau là aussi expérimental sur le microbiote intestinal, alors à la fois chez la souris, mais aussi chez des volontaires sains. Donc on commence à avoir des informations au niveau mécanisme, mais évidemment, il y a encore des choses à comprendre et à confirmer sur ces aspects-là. Et au niveau humain, eh bien, jusqu'à présent, il y avait des études qui s'intéressaient de manière un peu globale à la consommation de boissons édulcorées qui avaient pointé des risques avec l'apparition de cancer, mais donc c'était seulement une des sources alimentaires. Donc là, l'étude qu'on a conduite là dans NutriNet sur apport en édulcorant, toutes sources confondues et risques de cancer, il va falloir évidemment la confirmer dans d'autres populations. Donc on espère que dans les années qui viennent, d'autres collègues épidémiologistes au niveau international, dans différents pays, vont pouvoir conduire une étude similaire et reproduire ces résultats-là. Et lorsqu'on aura ce faisceau d'arguments, finalement, à la fois épidémiologique et expérimental, ben, on sera vraiment en mesure de découler un niveau de preuve fort, ou au contraire d'infirmer l'hypothèse, sur la dangerosité potentielle de ces édulcorants. Voilà, et si vous voulez tout savoir, vous pouvez vous référer directement à l'étude que nous venons de publier, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon l'étude parue dans la revue Environment International, la pollution aux microplastiques se retrouve jusque dans notre sang. De la haute atmosphère aux profondeurs océaniques, pas une fraction du globe n'est épargnée par la pollution aux microplastiques, qui devrait doubler d'ici 2040. Une équipe hollandaise vient de découvrir que des particules de plastique coulent dans nos veines. Les chercheurs ont examiné 22 échantillons sanguins, 17 d'entre eux contenaient des particules de polymère, des PET, fréquemment utilisés dans les bouteilles ou les vêtements, du polystyrène, des emballages alimentaires, et du polyéthylène, des sacs plastiques jetables. Les échantillons contenaient en moyenne 1,6 microgramme de plastique pour chaque millilitre de sang. Or, d'autres études de plus grande ampleur sont nécessaires car nous ne connaissons pas les impacts sanitaires de cette présence de microplastiques dans notre organisme. En France, la grippe aviaire prend une ampleur inédite. Oui, depuis le premier cas de grippe aviaire, le 26 novembre 2021, dans un élevage de poules dans le département du Nord, le virus H5N1 s'est propagé extrêmement vite. Dans le Gers, dans les Landes, en Loire-Atlantique, en Maine-et-Loire et en Vendée, qui est particulièrement frappée par l'épidémie. En tout, 1028 élevages sont touchés en France, dont 554 en Vendée. Plus de 14 millions de volailles ont déjà été abattues. Et la progression continue dans l'ouest de la France. L'ampleur de ce nouvel épisode de grippe aviaire pose la question de la vaccination des animaux. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Science, l'édition génomique pourrait augmenter les rendements du maïs et du riz. Cette équipe chinoise a d'abord exploré le génome d'une espèce de maïs et de riz. À partir de ces séquences ADN, les chercheurs ont identifié un gène lié au nombre de rangées de grains. Avec CRISPR-Cas9, la technologie des ciseaux génétiques, ils ont désactivé ces gènes, puis ils ont planté ces graines. Il se trouve que ces plantes OGM produisent plus de grains par plante que les plantations témoins, avec une augmentation des rendements de 10% pour le maïs et de 8% pour le riz. Selon les auteurs, en hybridant ces plantes génétiquement modifiées avec des espèces sauvages, qui sont plus résilientes au réchauffement climatique, nous pourrions doper la production agricole mondiale. Merci Natacha, et à demain pour le prochain Journal des Sciences. C'est intéressant parce que donc on parle aujourd'hui d'exposomes, mais comme vous venez de l'entendre dans le Journal des Sciences, sur quatre informations qui ont été données, deux finalement ont à voir avec l'exposome de façon plus ou moins directe, la question des édulcorants et des microplastiques. Oui, c'est des choses qu'on voit très bien avec la spectrométrie de masse haute résolution, par exemple les édulcorants comme les bisphénols A dont vous avez parlé, toutes les molécules de synthèse organique. Ça fait partie des choses qu'on inclut dans nos études. Ouais. Gianluca Sevri, ça veut dire qu'en fait, cet exposome, c'est une notion qui n'est pas encore bien connue du grand public, mais qui néanmoins traite absolument aujourd'hui de toutes les, ou d'une grande partie en tout cas des recherches en santé publique et en toxicologie. Bien sûr, c'est un concept qui a été proposé la première fois en 2005 par Chris Wild, un épidémiologiste. Donc, moi, je suis aussi épidémiologiste, mais ça ne concerne pas seulement naturellement l'épidémiologie, mais c'est un concept beaucoup plus large. Mais c'est important de dire que la recherche sur plusieurs aspects de l'exposome n'a pas commencé seulement en 2005, mais bien avant. Alors justement, si ce concept d'exposome est tout jeune et n'a été formalisé, comme vous l'avez dit, et on y reviendra d'ailleurs par Christopher Wild en 2005, l'idée selon laquelle notre génome n'est pas responsable de toutes les maladies et qu'il y a dans certaines pathologies une part environnementale est-elle évidemment beaucoup plus ancienne. La preuve dans notre archive du jour, nous sommes en 1974 dans l'émission « 2 heures pour comprendre ». Les maladies de la ville. Oui, la ville met en cause notre santé à tous, par son air pollué notamment, et elle provoque parfois aussi des morts, bien sûr, même des morts qui n'ont rien d'aussi spectaculaire que celles dues à des éruptions volcaniques ou à des tremblements de terre, mais elle tue doucement, presque insidieusement. Alors, docteur Simone Perdrizet, vous le savez, vous qui dirigez une section tuberculose et maladies respiratoires, comment s'aperçoit-on de la nocivité de l'air pollué sur la santé de l'homme ? Eh bien, on s'est aperçu de la nocivité de l'air au cours d'enquêtes épidémiologiques et quelques épisodes dramatiques ont permis de faire la relation entre une forte pollution qui était due à des conditions météorologiques exceptionnelles et une surmortalité. En 1930, dans la vallée d'Ameuse, une soixantaine de personnes sont décédées dans les trois jours qui ont suivi un épisode de pollution très important. Et on a fait la relation plus tard, car on ne disposait pas à l'époque encore de mesures de pollution très précises. Voilà un aperçu en tout cas de l'inquiétude qu'il y avait donc au milieu des années 70, en 1976 pour être précis, dans cette émission 2 heures pour comprendre sur l'influence de la ville. Comment est-ce que vous résumeriez, Gianluca Sévry, la prise de conscience progressive de l'impact nocif ou négatif que peut avoir notre environnement, ou plutôt nos environnements divers sur notre santé? Bah, c'est une accumulation de connaissances à partir naturellement de polluants spécifiques, après de mélanges de polluants, et donc c'est la prise de conscience de la complexité. Et en fait, je pense qu'un aspect très important de l'exposome est la prise de conscience de la complexité et donc de la nécessité d'utiliser des méthodes complexes pour aborder cette complexité, en fait. Et donc, le fait aussi que Chris Wilde avait observé que dans le contexte de la recherche il y a 20 ans ou à peu près, il y avait le cible était le génome. Avec la technologie qui s'est développée, on pouvait étudier le génome avec une précision que n'était pas possible dans le passé. Et donc, c'était le moment pour Chris Wilde de dire, on doit faire la même chose aussi pour tous ceux qui n'est pas de la génétique. Et donc, il a proposé le concept d'exposome. Ce qui est intéressant, il faut peut-être le préciser tout de suite, Arthur David, c'est que quand on parle d'exposome, on ne parle pas que de polluants. On parle de toute une variété de molécules. Exactement. Donc, la prise de conscience, Gianluca l'a bien résumé, elle est venue du fait qu'on s'intéressait à des maladies multifactorielles. Donc il y avait un enjeu de santé publique derrière tout ça, comprendre les origines des cancers, des diabètes, des maladies cardiovasculaires. Et elles étaient multifactorielles, mais à la base on s'est intéressé plutôt aux causes génétiques. Et c'est vrai que là, au bout d'un moment, après avoir séquencé le génome, après avoir mis en place les GWAS, qui sont les Genome Wide Association Study, il a fallu se rendre à l'évidence. Donc les études d'association large du génome. Exactement. Et il a fallu donc se rendre à l'évidence, les déterminants génétiques ne pouvaient pas expliquer à eux seuls l'ensemble de ces maladies. Donc, ce que voulait exprimer Christopher Wilde derrière ce concept, c'est qu'il fallait aussi maintenant s'intéresser aux causes environnementales. Et l'autre message très important qu'il y avait derrière ce concept aussi, c'était que tous les efforts que nous avions fournis pour le séquençage du génome, maintenant, il fallait le faire pour pouvoir, entre guillemets, séquencer, caractériser nos expositions. Et il prenait souvent cette image du crabe violoniste avec une pince hypertrophiée de 10 cm et l'autre toute petite pince de 2 cm en disant « voilà tous les efforts que nous avons consenti à faire pour le génome ». Ça, c'était l'image de la grosse pince. Et cette petite pince, c'est ce que nous avons fait pour l'instant. Donc il faut maintenant vraiment investir pour les méthodologies. Alors, la méthodologie, et on va voir tout à l'heure, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Si on reste encore sur la définition, donc Chris Wilde, en 2005, Chris Wilde, je rappelle qu'il est épidémiologiste moléculaire et ancien directeur du CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer. Vous entendez souvent parler du CIRC, puisque c'est eux qui définissent si telle ou telle molécule est plus ou moins cancérogène. Voilà la définition qu'il donne de l'exposome. Il parle de la totalité des expositions auxquelles un individu est soumis de la conception à la mort. C'est une représentation complexe et dynamique des expositions à laquelle une personne est sujette tout au long de sa vie, intégrant l'environnement chimique, microbiologique, physique, récréatif, médicamenteux, le style de vie, l'alimentation ainsi que les infections. C'est un territoire, c'est un continent immense qui est décrit par cet exposome. Exactement. Et ce qu'il faut bien expliquer, que c'est pas une définition qui est figée. En 2005, elle était, en gros, la définition qui a été donnée, c'était tout ce qui était non génétique. Et au fur et à mesure du temps, on a réussi à réaffiner un petit peu et à classer tout ce que vous venez de dire dans des domaines, en fait. En 2012, Christopher Wilde a reproposé une définition qui permettait ensuite peut-être d'avoir un peu plus d'opérationnalité dans les méthodologies à utiliser. Et les trois grands domaines qu'il a nommés, c'était l'exposome externe général, donc là, l'environnement socio-économique, si on vit en ville, si on vit à la campagne, l'environnement spécifique, Externe. Et puis, donc oui, là, c'est les expositions aux molécules chimiques, vous en avez parlé, aux radiations. Et puis, le troisième domaine qui est très intéressant et peut-être un peu contre-intuitif, c'est le domaine interne, de l'exposome interne. L'exposome chimique interne. Alors, pas que chimique d'ailleurs. C'est Steven Rappaport en 2010 justement qui a proposé de parler de l'interne pour décrire tout ce qui était lié en fait à l'empreinte biologique que va laisser le stress environnemental sur votre organisme. Vous allez par exemple produire des phénomènes inflammatoires, du stress oxydatif, des phénomènes épigénétiques peuvent se passer, des modifications épigénétiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec cet exposome interne, on peut voir un continuum se mettre en place, c'est-à-dire qu'il y a pu en entrée l'exposition et en sortie les pathologies. Mais au milieu, on commence à avoir une chaîne de causalité potentielle qui se met en place, puisque on a l'apparition des mécanismes biologiques qui peuvent expliquer donc la survenue de ces maladies qui arrivent. Donc c'est vraiment intéressant, et ça a arrivé au cours du temps. En 2005, c'était pas forcément aussi bien ancré, et c'est grâce à l'apport de Steven Rappaport, Gary Miller, d'autres chercheurs qu'on a réussi à avoir cette dimension interne aussi. Donc on entend bien que tout ça est effectivement très très récent. Un mot pour compléter ce que vient de dire Arthur David, Gianluca Severi. Juste souligner l'importance aussi des facteurs socio-économiques qui font partie de cet aspect exposome général. Et aussi, de cet exposome général, il y a aussi le changement climatique, le climat en général. Parce que le changement climatique, ça veut dire des changements des expositions aussi auxquelles nous sommes en fait exposés. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc d'exposome aujourd'hui en compagnie d'arthur david et de Gianluca Severi. Nous venons donc de le définir, on voit bien que ça recouvre, comme je le disais, comme mes deux invités le disaient à l'instant, des territoires extrêmement vastes, qu'il est évidemment, qui paraît presque, quand on se confronte pour la première fois à cette notion de Gianluca Severi, presque impossible finalement à définir in extenso, de manière totalement, je perds le mot, bon, ça, enfin, de définir vraiment l'intégralité de l'exposome de manière exhaustive, voilà, je cherchais le mot exhaustif, manière exhaustive, de la naissance jusqu'à la mort. Ça représente tellement, tellement de composés, tellement d'éléments différents tout au long d'une vie. Comment est-ce qu'on se saisit de cette notion, en fait? Pour comprendre encore plus la complexité, on a vu les plusieurs dimensions de l'exposome, mais il y a aussi les interactions entre ces dimensions. D'un côté, par exemple, on a un mode de vie, mais si on prend simplement l'alimentation, bon, l'alimentation, c'est un aspect, mais aussi il y a des contaminants auxquels on est exposé à travers l'alimentation. On a parlé aussi du côté génétique, qui est important aussi pour l'exposome, parce que c'est important aussi d'étudier la susceptibilité à certaines expositions, susceptibilité génétique. Et donc, vous voyez l'énorme complexité de l'exposome. Et je souligne aussi un autre aspect de cette complexité, en fait, c'est très différent par rapport à la génétique, le fait qu'il y a une variabilité temporelle. Les expositions changent au cours du temps, et aussi notre susceptibilité change au cours du temps. Par exemple, la période de l'enfance est une période de susceptibilité, et donc c'est important aussi d'étudier les expositions au temps autour de la grossesse, par exemple, ou les premières années de vie. Un mot, Arthur David. Aujourd'hui, on a conscience, comme vous le disiez tout à l'heure, que dans ce domaine de recherche, on reparlera tout à l'heure et dans quelques minutes des moyens que l'on met en œuvre pour essayer de définir des exposomes précis, notamment via de très très grandes cohortes, via des techniques d'ailleurs dont vous êtes spécialiste, la spectrographie à haute résolution. Mais comment est-ce qu'on se saisit, par quel bout finalement on tire la pelote, en quelques mots? Je pense que le premier constat à faire pour pas tomber dans le réductionnisme, c'est de se dire on n'est pas capable aujourd'hui encore de mesurer l'exposome dans sa globalité. On peut aller dans chacun des domaines dont on a cité. Et encore, John Yuka le soulignait, l'épidémiologie sociale reste un petit peu encore en retrait parfois, notamment parce qu'on aborde l'exposome sous l'entrée des pathologies, sous l'angle biomédical aussi, il y a un peu de ça. Mais à partir de là, il vaut mieux se dire on va partitionner pour l'instant l'exposome, oui. Que chaque discipline fasse sa révolution et après on fera l'intégration. Du moins, c'est comme ça que je l'aborde. Et c'est là où effectivement, une fois qu'on a posé ce constat-là, on ne peut plus être vraiment réductionniste. On dit justement qu'on va se focaliser sur un des éléments. Et donc là, c'est pour ça qu'on travaille de manière plus exhaustive, je l'espère, sur l'aspect exposome chimique. Mais l'autre aspect de souligner aussi temporel, c'est un autre aspect extrêmement important, c'est qu'on ne sait pas non plus le mesurer tout au long de la vie pour l'instant. Bien sûr. Quand Arthur David parle d'épidémiologie sociale, Gianluca Severi, c'est-à-dire que l'une des composantes de l'exposome, c'est aussi de dire ce qui ressort d'un certain nombre d'études dont nous nous sommes fait l'écho ici dans le Journal des Sciences, c'est de dire que globalement, quand on a un niveau de revenu plus bas, on est plus exposé globalement à un certain nombre de polluants chimiques, industriels, également issus de l'alimentation, que quand on a un niveau de vie plus élevé. C'est ça? Absolument. C'est vraiment clair. On a plusieurs résultats. Par exemple, il y a un gros projet européen qui s'appelle LifePass, qui vient de terminer il y a 2 ans, auquel on a participé avec notre cohorte, aussi la grande cohorte, notre cohorte 3N4N et la grande cohorte aussi Constance. Et là, on retrouve clairement, par exemple, il y a des résultats vraiment inquiétants, si on peut dire, où la plus basse position socio-économique est liée à un vieillissement biologique plus précoce. Ça c'est très clair et on retrouve résultats similaires dans plusieurs études. Alors, si on parle un peu concrètement de Gianluca Severi, qu'est-ce qu'on trouve en fait dans un exposome? Qu'est-ce qu'on a dans le sang? Qu'est-ce qu'on a dans le foie? Moi, je suis toujours, j'ai toujours une sorte de premier réflexe analytique qui me dit, on a aujourd'hui une capacité de séquençage, d'analyse extrêmement fine, qui nous permet de distinguer des taux de concentration, la présence de molécules à des taux extrêmement bas. Il y a évidemment la question, des effets cocktails, etc. Mais pour autant, on est au moment où on parle, jamais arrivé à des espérances de vie aussi longues, en tout cas dans notre pays ou dans les pays occidentaux, et avec des espérances de vie en bonne santé qui, elles aussi, sont de plus en plus longues. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, du coup, quelque chose ou une sorte d'effet de prisme grossissant, de biais lié à notre capacité d'analyse de toujours plus fine, en quelque sorte? Alors, déjà, ce que a dit Arthur est très important, le fait que ce n'est pas possible de mesurer l'exposome dans l'intégralité, d'autant plus qu'il y a cette complexité temporelle. Donc déjà, la première chose importante est que vraiment de cibler certains aspects de l'exposome et pour le moment aussi se concentrer sur des fenêtres temporelles. Par exemple, je dis ça parce qu'on parle de cohortes. Mais par exemple, les grandes cohortes que j'ai mentionnées, 3N4N et Constance, par exemple, ce sont des cohortes des adultes où on ne peut pas vraiment étudier, par exemple, la période de susceptibilité autour de l'enfance. Il y a des cohortes autour de l'enfance qui étudient ça et qui ont produit des résultats très intéressants. Donc, si on parle de certains résultats cibles, il y a par exemple dans une cohorte, en fait, dans un projet, dans notre projet européen qui s'appelle ELIX, qui sont 6 cohortes mère-enfant, inclut une cohorte française, la cohorte Eden, qui montre par exemple une relation entre les substances qui sont appelées PFAS, les substances perfluoroalkylées, et des marqueurs des enzymes hépatiques. Donc, clairement, avec une relation avec un potentiel dysfonctionnement hépatique. Et on sait que ces substances ont un effet en particulier sur le foie, mais pas seulement. Arthur David, sur cette question, en fait, pour revenir à la question que je posais à Gianluca Severi, c'est-à-dire notre capacité d'analyse et d'analyse fine par rapport finalement à la globalement, alors même si on peut mettre évidemment des restrictions ou des guillemets à cette assertion, mais sur le fait que globalement la population vit plutôt en bonne santé, plutôt en meilleure santé de plus en plus et en bonne santé de plus en plus vieux. Alors je mettrais quand même des petits guillemets, effectivement. Voilà. On peut prendre des précautions là-dessus, je l'accorde. On peut prendre des précautions dans le sens où, effectivement, on dit toujours qu'il faut bien mourir de quelque chose, et plus la population est vieillissante, plus elle a des risques de développer certains cancers. Le problème avec ces maladies chroniques, c'est qu'elles touchent des tranches d'âge qu'elles ne touchaient pas avant. Là, par contre, on sait qu'il y a forcément des causes environnementales quand il y a des cancers très rares qui se développent chez les enfants. Là, c'est un sujet, c'est un enjeu sociétal définitivement, et ça nécessite de s'y intéresser. C'est pareil pour les diabètes de type 2. Enfin, il y a quand même aussi des tranches d'âge qui n'étaient pas avant susceptibles de développer ces maladies et qui deviennent de plus en plus. Donc là, on ne peut vraiment pas exclure des causes environnementales là-dessus. Et puis l'autre aspect, c'est que c'est vrai en France, mais il y a déjà de fortes inégalités, alors aussi territoriales, pas seulement sociales. Et encore plus à l'échelle internationale, quand vous allez dans des villes, certaines villes en Inde ou en Chine, là, par contre, vous allez avoir aussi des environnements beaucoup plus pollués, notamment la pollution de l'air, et avoir certaines maladies, alors beaucoup plus que vous ne verriez en France. Donc c'est, voilà, il y a le côté tranche d'âge aussi qui a changé, et aussi, faut bien faire attention aux disparités géographiques. Je rebondis sur ce point. Oui, je vous en prie. Oh bon, je voulais juste ajouter, vous avez mentionné l'espérance de vie, et c'est vrai que naturellement on a vu une augmentation, mais un autre résultat intéressant du projet LifePath, le projet européen que j'ai mentionné, est que en fait la position socio-économique est liée à l'espérance de vie et la mortalité. Et donc, on voit qu'une position plus faible est liée à une diminution d'espérance de vie de 2-3 ans. Et on parle encore de pays développés. Et si on regarde après la différence entre les pays internationaux, c'est encore plus important. On va en prendre un exemple concret, justement, de l'étude d'un exposome, et en l'occurrence, l'exposome respiratoire. Bonjour Alexandra Delbo. Bonjour Nicolas. Vous êtes rendue à Montpellier pour vous intéresser donc à cet exposome respiratoire et aux maladies associées. Oui, j'ai rencontré Isabella Anessi Maesano, directrice adjointe de l'Institut d'Hébride d'épidémiologie et de santé publique. Elle s'intéresse ici à trois maladies, l'asthme, la BPCO et la fibrose pulmonaire idiopathique. Elle cherche donc à établir un lien entre ces maladies et l'exposome à des facteurs de risque environnementaux. Pour cela, elle a développé en collaboration avec Giovanni Paou de l'Université de Bologne un capteur, le Canarin. Grâce à cela, on peut obtenir une approche individuelle et spatio-temporelle de l'exposition à la pollution atmosphérique. L'approche exposomique des maladies respiratoires veut prendre en compte les interactions entre tous les facteurs qu'on connaît comme étant liés aux problèmes respiratoires. Alors, moi, personnellement, je travaille donc sur une approche exposomique de trois maladies respiratoires, l'asthme, la BPCO et puis la fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on équipe des patients avec des capteurs, multicapteurs, qui servent à monitorer d'un côté l'activité de la maladie, l'activité sanitaire, et de l'autre côté, avec ces appareils, on fait aussi un monitorage de l'exposition à certains facteurs de risque environnementaux. Quels sont les facteurs? Bon, l'exposition aux particules, les composants organiques volatiles, pour faire des exemples, le benzène, formaldéhyde, acétaldéhyde, ce sont des polluants surtout de l'intérieur des locaux, et puis les paramètres de confort, à savoir température, humidité, pression, de l'air barométrique. Donc les patients se promènent avec ces capteurs et nous, on a des informations qui les concernent tout au long de leur journée parce que ces capteurs nous renvoient les données toutes les 15 minutes. Vous pouvez me présenter le capteur. Tu veux le prendre avec moi? Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est le canama qu'on peut accrocher à la ceinture parce qu'il y a de quoi le faire et qui renvoie des informations en temps réel. Alors, une des caractéristiques de ce petit appareil, qui est aussi une force, hein, si je peux me permettre, c'est que, en fait, il ne demande pas de participation de la part du participant, sauf, bon, il faut bien sûr le charger, mais c'est comme un téléphone. Pour le reste, il renvoie les données via Wi-Fi. Et comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'il peut capter les différents polluants? Ça, c'est un peu le secret, mais il a des capteurs dedans, vous voyez, il y a des trous. Et en fait, il sort d'un processus assez long dans le cadre d'un projet financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui s'appelle Polyscope, et qui a permis d'identifier plusieurs capteurs et de sélectionner les capteurs qui respectaient un certain cahier des charges. On voulait qu'il y ait un capteur léger, pas cher, dont les mesures étaient de qualité. Donc, ce qu'on appelle scientifiquement une validation. Et ce qu'on peut voir sur votre téléphone directement, oui, c'est le suivi de différents capteurs. Oui, j'en ai mis trois pour des questions comme ça de visibilité. En rouge, c'est le capteur qui est à côté ici. Ensuite, il y en a deux qui sont ailleurs. On voit bien, on utilise comme référence les valeurs guides recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, et qui sont à 5 microgrammes par mètre cube de particules fines. Ici, c'est les particules, celles qui arrivent jusqu'aux alvéoles. En fait, elles contiennent toutes les petites particules, hein, parce que c'est toutes les particules inférieures à 2,5 microns. Alors, bon, même ici, dans ce bureau qui donne sur le jardin, on est plus exposé que ce qui est préconisé par l'OMS. Mais plus grave, le jaune ici, parce que nous sommes avec le rouge, mais le jaune, il a des valeurs qui dépassent aussi les normes de la Commission européenne, qui est, la norme est à 25 microgrammes par mètre cube. Et ce capteur, où est-ce qu'il est? Il est à Paris, sur ma terrasse. Et il y en a un autre à l'intérieur, donc il y a vraiment un contraste. Hein. Si les fenêtres sont fermées, ce contraste peut être bien expliqué. Et combien est-ce que vous suivez de personnes? Combien sont équipées par ce dispositif-là? On vise une cinquantaine de sujets, mais on a fini une enquête. Ce n'étaient pas des malades, hein, mais des personnes volontaires saines. Et on les a suivis, et ils sont presque 300. Alors, en cours, voilà, des populations de sujets sains, populations de sujets malades. La finalité, une des finalités de cet instrument, c'est qu'il pourrait devenir une méthode d'alerte. Vous voyez, donc, la personne se trouve dans un endroit très pollué, ben, là, par le biais d'une application, il le saurait et il l'éviterait. Il y a tout simplement, parfois il suffit de prendre une rue parallèle pour éviter une exposition exagérée à la pollution atmosphérique. Voilà un aperçu de l'étude de l'exposome respiratoire. Voilà, si vous êtes dans un bureau, s'il y a une moquette, s'il y a des coupe-feu près de vous, vous respirez sans vous en rendre compte certainement plein de petites particules fines qui rentrent dans cet exposome. Mais faut-il s'en inquiéter immédiatement? Peut-être pas. Une réaction, Arthur David, vous avez l'air assez surpris aussi des conclusions que vous entendiez à l'instant dans ce documentaire. Oui, alors c'est pas forcément des choses auxquelles c'est pas qu'on s'intéresse pas, mais qu'on ne peut faire. On s'intéresse pas forcément à la pollution atmosphérique, mais oui, c'est D'ailleurs, c'est pas seulement les particules fines. Là, vous parliez du bureau, mais on a exposé également retardateurs de flammes, organophosphorés. Enfin, il y a tout un tas d'éléments effectivement chimiques dans les airs intérieurs qu'on retrouve. Toutes les poussières sont extrêmement contaminées également en phtalates. Donc, il y a effectivement dans nos airs intérieurs aussi, dans nos maisons, de par l'utilisation de produits domestiques, énormément de contaminants qu'on va retrouver dans notre organisme à la suite de cela. Les particules odoriférantes pour les produits, pour que ça sente bon. Les parfums, par exemple. Les parfums, voilà. Ouais. C'est un nom plus simple, ça s'appelle les parfums. Gianluca Severi, votre réaction à ce reportage? Ce sont des méthodes très intéressantes. En fait, historiquement, on utilise des méthodes différentes pour estimer les expositions. Et on en parlera après, mais effectivement, on doit déjà se projeter dans le futur et commencer à utiliser des méthodes plus précises pour estimer l'exposition à différents polluants. Et ça, c'est les méthodes qui ont été décrites sont des méthodes qu'on peut appliquer dans les cohortes et qu'on commence à appliquer dans nos cohortes épidémiologiques. J'ajoute par exemple un autre exemple. Il y a d'autres méthodes, comme par exemple des bracelets en silicone, de simples bracelets au silicone, qui en fait où les substances se déposent et qui après on peut les mesurer. Et donc on a des volontaires qui ont participé à une étude pilote et on montre qu'on peut utiliser ce type d'outils pour estimer la pollution à différents polluants. On va continuer à parler de cet exposome. On va essayer de comprendre surtout, eh bien, comment on fait. Et on va poursuivre notre exploration pour comprendre comment on l'étudie, comment est-ce qu'on en étudie non seulement, eh bien, la composition, mais quelles en sont également les conséquences sur notre santé. Ce sera dans quelques secondes musicales. Just another party where the people dance alone. Everybody's trying to have some fun. Neon lights are buzzing round my head. I feel the sense of me, the sublime afterglow of inner peace. Chemicals de Mudflow à 16h bientôt 40 sur France Culture. Nous parlons donc bien de produits chimiques, de produits organiques, de particules plastiques, de toutes ces choses qui rentrent dans notre organisme de la naissance jusqu'à la mort et que l'on appelle aujourd'hui l'exposome. Nous en parlons avec Arthur David qui est enseignant-chercheur à l'École des Hautes Études en Santé Publique, chercheur à l'Institut de Recherche en Santé, Environnement et Travail à Rennes et Gianluca Severi qui est directeur de recherche de l'équipe INSERM Exposome et Hérédité attaché au Centre de Recherche en Épidémiologie et Santé des Populations à Gustave Roussy. Peut-être qu'on peut du coup parler avec vous, Arthur David, de ces techniques d'étude, puisque il y a deux façons d'opérer. Il y a chercher ce que l'on connaît, c'est-à-dire se limiter finalement à un certain nombre de molécules qu'on va aller chercher précisément, ou alors partir à la pêche. Exactement. Donc là, si on parle d'exposomes chimiques, par exemple, les substances de synthèse, donc là, on parle des pesticides qu'on utilise en agriculture, des produits industriels, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle de la biosurveillance. Donc, on va essayer d'aller évaluer l'exposition humaine aux contaminants chimiques en allant chercher directement dans les matrices biologiques, comme le sang, l'urine, quels sont les contaminants qui sont accumulés. Donc là, il y a plusieurs défis associés à ça. Le fait que lorsque vous assimilez, que vous ingérez une molécule, il va y avoir un passage hépatique qui la transforme. Mmh. Donc c'est pas toujours évident de savoir déjà sous quelle forme, dans quelle matrice aller la chercher, quelle est la représentativité temporelle de ce qu'on voit dans l'urine ou dans le sang. Et l'autre aspect aussi, c'est quelle stratégie analytique pour quelle liste de substances. Et là, faut avouer qu'on a un gros déficit de connaissances sur ce à quoi on est exposé, puisque on considère qu'il y a sur le marché des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de substances. Une étude en 2020 parlait de 350 000 substances utilisées au niveau international. Si on prend les chiffres européens de l'agence REACH, on est plutôt à hauteur de 20 000 substances qu'on utilise à fort tonnage. Et à côté de ça, les études de biosurveillance, les études épidémiologiques, généralement, apportent des informations pour quelques centaines. Donc, en opposition à ces dizaines de milliers, centaines de milliers, on ne sait encore très peu de choses, on ne connaît pas encore l'étendue de cet exposome chimique. Et c'est là, en fait, où ce concept d'exposome nous pousse à révolutionner, à changer de paradigme dans notre façon de faire, et aussi l'arrivée de nouvelles technologies, notamment la spectrométrie de masse à haute résolution, qui nous permet de générer, cette fois-ci, des empreintes chimiques sans aucun a priori. Donc là, effectivement, on va pouvoir aller chercher de manière beaucoup plus exploratoire, ce à quoi on est exposé. Et ce qui est très intéressant, donc avec la spectrométrie de masse, c'est une empreinte chimique qui comprend entre 10 000 et 50 000 signaux. Donc vous injectez des échantillons de sang, d'urine. Donc c'est une empreinte qui est extrêmement riche en informations, parce que vous allez avoir des signaux qui correspondent à vos molécules endogènes, des signaux qui correspondent aux molécules du microbiote, et puis tout ce qui vient de l'extérieur via la nourriture, l'air que vous assimilez. Et donc là, on est beaucoup plus à même d'aller caractériser ce qui nous est encore inconnu, et puis surtout des mélanges aussi, puisqu'il y a sûrement ces effets mélanges à considérer de plus en plus. Des effets cocktails qu'on... Exactement. Alors, une question sur cette technique, c'est qu'une fois que vous avez votre échantillon et que vous le passez à la, spectrométrie, de masse, comment est-ce que vous discriminez tout ça? C'est-à-dire que vous avez des IA qui vous permettent de faire un gros tri, ou je crois que le problème, c'est qu'il faut y aller à la main? Voilà, il n'y a pas encore de méthode universelle. Ce dont je vous ai parlé, la génération de cette empreinte chimique, c'est la première étape. Ensuite, il faut des outils bioinformatiques déjà pour extraire ces signaux. On utilise souvent des stats multivariées, des statistiques multivariées pour faire du ménage un petit peu entre tous ces signaux, voire ceux qui sont discriminés dans certaines populations. Et une fois que vous avez des signaux intéressants, bah, l'information que vous avez au final, c'est une masse, puisque la spectrométrie de masse, c'est un analyseur de masse qui est relativement précis, à quelques décimales de Dalton, mais même avec cette précision, si vous rentrez cette masse dans les bases de données comme PubChem, qui comprend 111 millions de molécules avec des structures uniques, vous allez avoir encore 10 000 candidats potentiels, entre 1 000 et 10 000 candidats. Donc il faut des réseaux de preuves, donc il faut par exemple fragmenter ce signal, la molécule associée, de manière à voir quels sont les groupes fonctionnels qui puissent être présents. Et tout cela ne se fait pas de manière automatisée, ce qui fait qu'au final, on passe énormément de temps déjà des fois à traiter un signal, et on considère qu'on ne peut annoter que 10 à 20% des signaux qu'on génère. Donc vous voyez qu'on est capable de déployer ces techniques même dans les études épidémiologiques maintenant, mais qu'il y a toute une masse d'informations qui reste inexploitée. Donc on avance sur ces domaines. Donc à l'EHESP, on développe des logiciels pour aider à l'automatisation de la pré-annotation, mais il va falloir encore se structurer encore mieux au niveau de la communauté pour bien justement avoir des outils de plus en plus performants. Pourquoi seulement 10 à 20%? Alors justement parce que cette annotation, cette élucidation structurale nécessite une confirmation généralement avec un standard. Et parmi les 350 000 substances dont je parlais, certaines sont encore méconnues, certains ne sont pas disponibles commercialement. Donc vous ne pouvez pas aller jusqu'à prouver avec une certitude très élevée la confirmation de ces annotations que vous faites, en fait. Donc il y a tout un tas de limitations, le fait que on ne peut pas non plus toujours remonter facilement, avoir des données de fragmentation qui soient suffisantes pour remonter à cette élucidation. Données de fragmentation, c'est quand la molécule a été transformée par l'organisme? C'est à l'intérieur de la machine. D'accord. Vous êtes capable de la fragmenter en fait avec un gaz qui induit une collision et qui permet la fragmentation. D'accord. Mais on peut prendre aussi le problème à l'envers, nous c'est ce qu'on fait avec le logiciel, c'est-à-dire que on a beaucoup de problèmes à remonter à l'identité structurale, mais on peut prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire on a des bases de données. On a ce qui peut potentiellement être possible, possiblement présent dans notre organisme. Donc on peut partir de ces bases de données, et c'est ce qu'on fait pour prédire en fait certains descripteurs chimiques, le ratio masse-surcharge, le temps de rétention, le profil isotopique, puisque les molécules exogènes ont souvent du chlore, du brome, et donc des profils isotopiques particuliers qu'on peut détecter. Et nous, ce que l'on fait du coup, c'est qu'on part de ces bases de suspects, et qu'on essaye de voir les similitudes entre ces suspects et les données expérimentales. Et ça permet vraiment d'aider à la pré-annotation, mais ça ne permet pas forcément d'aller détecter des contaminants émergents. C'est vraiment ce qu'on appelle du profilage de suspects. Donc c'est complémentaire, ça aide à avancer, mais ça ne permet pas de résoudre entièrement le problème encore. Gianluca Severi, c'est un travail d'une minutie extrême, c'est un travail de fourmi en quelque sorte, de réussir à relever et à identifier tous ces composants de l'exposome. Bien sûr, et donc un autre aspect du travail autour de l'exposome, le travail qu'on fait en termes d'épidémiologie. En cohorte. Nous, on utilise les grands cohortes épidémiologiques, et ça veut dire que ce sont des dizaines de milliers ou centaines de milliers de volontaires qui en fait, contribuent à travers des informations qu'ils donnent à travers des questionnaires structurés, répétés dans le temps. Et un aspect très important aussi des cohortes est le suivi dans le temps, dans les années, pour après enregistrer les maladies qui surviennent. Et donc, le travail est d'essayer de relier les différents aspects de l'exposome avec le risque des différentes maladies. Et ça, c'est le travail qu'on fait avec les cohortes. Et un autre aspect des cohortes, ce sont les biobanques, donc les échantillons biologiques qu'on collecte grâce aux volontaires. Et donc, on travaille avec des experts comme Arthur, pour analyser les échantillons biologiques et essayer de relier les niveaux de polluants au risque de maladie. Avec des problématiques importantes, la première chose est qu'on a souvent seulement un échantillon sanguin, et là c'est utile pour étudier par exemple des substances persistantes, mais c'est pas suffisant pour étudier par exemple des substances qui ont une variation plus importante dans le temps. Et là, on aurait besoin d'échantillons répétés dans le temps, et c'est difficile de retrouver ce type de cohorte avec plusieurs échantillons répétés dans le temps. Oui, parce qu'il faut préciser quelque chose dont on n'a pas encore parlé depuis le début de cette émission, c'est qu'il y a deux grandes catégories de polluants qui sont identifiés et identifiables. Ce qu'on appelle les polluants organiques persistants et les non persistants. Peut-être que vous pouvez nous rappeler, nous dire un mot là-dessus, Gianluca Severi. Oui, bon, Arthur est certainement plus expert que moi, mais c'est une différence très importante dans le sens que des substances comme les retardateurs de flamme qu'on a mentionné avant, ou les PFAS, les substances perfluoroalkylées, sont des substances persistantes dans l'environnement, et ça fait partie aussi du danger de ce type de substances, que même si certaines substances ont été ne sont pas plus utilisées, mais bon, ils existent dans l'environnement parce que ils sont persistants. Quand on peut penser au chlordécone par exemple, qui a fait un grand scandale en Martinique. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Et autres substances, au contraire, qui ont une variabilité très importante, et si on utilise seulement un échantillon sanguin et une seule mesure, bon, on ne sera pas vraiment capable de voir des associations avec le risque de maladie parce qu'il y a trop de bruit, si on peut dire ça. Dites-nous un peu justement, parce que donc vous avez travaillé Gianluca Severi sur des cohortes, enfin sur une cohorte E3N qui a été établie il y a longtemps, puisqu'elle a été établie en 90 sur des femmes toutes nées entre 1925 et 1950, avec au départ 100 000 volontaires qui sont aujourd'hui 65 000, et vous êtes en train d'essayer de faire évoluer cette cohorte en E4N, et ça recoupe avec quelque chose que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire avec la volonté de faire rentrer des enfants, donc de commencer la surveillance beaucoup plus tôt. Oui, c'est ça. Donc, pour les études qu'on conduit maintenant, on utilise la cohorte étroisaine avec un très long suivi. Donc, on parle de plus de 30 ans de suivi. Et donc, on utilise ça pour étudier le risque de différentes maladies avec les différents polluants qu'on étudie. Mais après, on se prépare, comme je disais avant, pour le futur. Et donc, on est en train de faire devenir la cohorte une cohorte familiale avec la deuxième génération et après la troisième génération aussi. Et ça, pas seulement pour étudier des expositions plus récentes, mais aussi pour étudier l'aspect transgénérationnel. Parce qu'il y a de plus en plus d'évidence que pour certaines substances, on pourrait avoir des effets transgénérationnels. Et c'est exactement pour ça qu'on utilise ce type d'études. Un mot peut-être là-dessus, Arthur David. Alors oui, nous aussi, on a la chance à l'IRSET, qui est un institut pluridisciplinaire, d'avoir des épidémiologistes qui mettent en place des cohortes. Notamment, on a une grande cohorte mère-enfant régionale qui s'appelle Pélagie, qui a été mise en place dans les années 2002 environ, et qui a pour objectif justement d'étudier les liens qu'il y a entre les expositions prénatales, environnementales, professionnelles et le développement cognitif de l'enfant notamment. Donc il y a eu des suivis qui ont été faits à 2 ans, 6 ans, et puis là les jeunes maintenant entre 9 et 15 ans, et donc il y a un suivi qui va être fait aussi. Donc on est vraiment aussi centré sur ce côté prénatal. Maintenant j'ai développé aussi une nouvelle collaboration avec Cécilia Semery à Bordeaux aussi pour s'intéresser aux maladies neurodégénératives, où là on a encore très peu de données en population générale. Il y a des présomptions fortes qui existent entre exposition professionnelle aux insecticides organochlorés, donc les vieux pesticides, les organophosphorés, et la maladie de Parkinson, mais en population générale, on n'en connaît encore pas beaucoup. Il y a eu des corrélations établies néanmoins, puisqu'aujourd'hui la maladie de Parkinson est reconnue comme maladie professionnelle pour les agriculteurs. Voilà. Mais là, le rapport d'expertise collective de l'INSERM parlait de présomption forte, c'est ça que j'ai repris ces termes-là. Et sur ces maladies-là, on va avoir la chance de pouvoir travailler sur une grande cohorte aussi, qui s'appelle la cohorte des trois cités, qui a plus de 20 ans de recul. Et donc là, on va pouvoir aussi travailler de manière prospective, c'est-à-dire on va pouvoir faire le lien à l'inclusion, donc les personnes qui ont été enrôlées étaient en bonne santé cognitive. Et là, le but, ça va être de voir s'il y a des associations qui existent entre les trajectoires de vieillissement cérébral, et notamment le vieillissement cérébral accéléré, et des trajectoires d'exposition, puisque la cohorte est très riche aussi, pas seulement sur l'exposome chimique, mais qui contient également plein d'autres informations. Et donc nous, on va essayer d'apporter justement des nouvelles données d'exposition chimique grâce à notre savoir-faire sur l'exposition aux vieux contaminants, mais aussi grâce aux nouvelles méthodologies dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors justement, pour conclure cette émission, comment fait-on et comment se fait le trajet de lien entre un exposome et une pathologie précise? Parce que vous évoquez aujourd'hui les maladies neurodégénératives, on sait que l'exposition à un certain nombre aussi de polluants atmosphériques peut-être lié, ou en tout cas il y a des suspicions de lien avec d'autres maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Vous avez parlé du diabète, on a parlé de la bronchopneumopathie obstructive. Comment est-ce qu'à un moment donné, on arrive à mettre ensemble toutes les pièces du puzzle pour dire « Ah, tel polluant pendant tel temps, là on a une preuve forte d'un lien avec telle pathologie ?» Alors là, je laisserai John Luca parler des méthodologies statistiques qui sont utilisées pour faire le lien entre exposition et événements de santé. Mais ce que le concept d'exposome a apporté, notamment dans Helix, qui est le gros projet européen dont parlait John Luca, mais plein d'autres projets aussi, LifePass, c'est intégrer justement les biomarqueurs d'effet au milieu de tout ça. C'est ce que Paolo Vinis a appelé l'approche Meet in the Middle, c'est-à-dire que vous avez les expositions et puis donc en sortie les événements de santé. Il a réussi à démontrer sur certaines maladies, notamment cardiovasculaires, et puis les expositions à la pollution atmosphérique, à mettre en évidence quels étaient les biomarqueurs d'effet qui étaient impliqués dans la survenue de la maladie. Mais après, pour ce qui est toutes les méthodologies statistiques, je pense que Gianluca sera mieux placé. Gianluca Severi. Alors, du point de vue strictement épidémiologique, en gros, il s'agit de faire une comparaison entre les personnes qui ont une faible exposition avec les personnes qui ont une haute exposition et en termes de risque. Voir donc s'il y a une différence dans le risque pour certaines maladies entre ces deux groupes ou trois groupes, etc. Après, donc, si on voit effectivement qu'il y a une différence, ça veut dire qu'il y a une association entre l'exposition et le risque de la maladie, mais on doit être très attentif et évaluer si cette association est causale ou pas. Certainement, ce que Arthur a dit par rapport, par exemple, à la méthodologie de Meet in the Middle, et donc utiliser les voies biologiques, mais il y a aussi des méthodes statistiques qu'on utilise. Bah, la première chose est de voir aussi, de considérer dans les méthodes, dans les modèles statistiques, s'il y a des facteurs de confusion et donc tenir compte de ces facteurs de confusion. Qu'est-ce que veut dire ça? Ça veut dire qu'on doit tenir compte de tous les facteurs qui sont liés en même temps à l'exposition et à la maladie. Et donc, considérer dans le modèle tout ça pour voir si on retrouve toujours l'association en tenant compte des facteurs de confusion. La suite maintenant, Arthur David, puisque on sent, vous évoquiez, vous compariez tout à l'heure, je crois que c'était vous, pas Gianluca, les travaux, oui, c'était vous qui travaillez les travaux de séquençage du génome humain avec les travaux de compréhension et de l'exposome. Quelle est l'étape suivante? Ce travail de fourmi, petit à petit, il peut aboutir à un moment donné à des recommandations, à l'interdiction de certains produits, ou peut-être même à la meilleure prise en charge de certaines maladies qui sont mal prises en charge, si on sait le point de départ finalement de la pathologie. Alors, ces résultats-là sont conditionnés, de mon point de vue, à si on arrive justement à développer les bonnes méthodologies qui soient robustes. Et c'est là où on ne peut pas faire ça à l'échelle d'un laboratoire. Donc, on est en train de se structurer en France, notamment autour de la communauté de la biosurveillance pour l'instant, mais ça va être étendu après. Et on va créer, donc il y a une infrastructure de recherche qui a été inscrite sur la feuille de route des infrastructures nationales de recherche qui s'appelle France Exposome, qui va être portée par l'INSERM et dont le siège sera à Rennes, et qui va essayer justement de structurer la communauté pour s'assurer qu'on puisse répondre à ces questions-là. Et donc il y a cette structuration nationale qui sera aussi une pièce du puzzle d'une structuration européenne, d'une infrastructure de recherche européenne qui s'appelle EIRIN. Et je pense que si on arrive à faire cela, à se structurer, à développer les bonnes méthodologies, alors on pourra commencer à faire des études d'associations statistiques de grande ampleur, celles dont on a besoin, puisque si les épidémiologistes arrivent en nous disant on a besoin d'analyser 100 000 échantillons, il faut pouvoir répondre présent, et ça c'est important pour les calculs de puissance statistique, et donc là il faudra qu'on soit en mesure de répartir tous ces échantillons dans tous les laboratoires capables de les analyser. Donc cette structuration, elle est fondamentale, elle va permettre de pouvoir répondre de manière structurée. Il y aura un peu cette dynamique, effectivement, qu'on a vu, je pense, à l'époque du séquençage du génome qui commence à se mettre en place. Mais si, à partir du moment où on arrive à faire ça, à partir du moment où on arrive aussi à intégrer toutes les disciplines qui composent l'exposome, alors on a de fortes chances ensuite de pouvoir mettre en place des politiques de santé publique pertinentes pour une meilleure prévention. Gianluca Sévry, en un mot, donc, vers une grande coopération européenne, internationale, pour définir cet exposome et puis changer un peu notre rapport global à la santé et à l'exposition aux matières polluantes. Mais en un mot. Forcément, l'approche multidisciplinaire est absolument nécessaire pour aborder la complexité dont on parlait avant. J'ajoute une chose, l'importance aussi de développer des nouvelles méthodologies. Et on a entendu parler des capteurs pour la pollution de l'air. J'ai parlé de bracelets en silicone. Il y a aussi l'exposome physique. On ne doit pas oublier qu'il n'y a pas seulement les substances chimiques, mais par exemple les expositions physiques, le bruit, par exemple. Mmh. Et donc là, tout un tas de capteurs de bruit et de tout type d'exposition. Un mot. Juste pour dire aussi qu'on a beaucoup de parler de facteurs de risque, mais l'exposome aussi, c'est tous les environnements qui nous sont favorables, donc il faut aussi considérer cela dans le futur aussi pour nos recherches. Merci beaucoup à tous les deux, merci Arthur David, merci Gianluca Sévry d'être venu nous parler de l'exposome. À la technique aujourd'hui, c'était Audrey Guélil, et comme toujours la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur franceculture.fr, et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.